Accourez tous, enthousiastes. Voilà donc ces établissements de vertu, ces conservatoires de pucelage. Bon Saint-Médard, mon pauvre bougre, quand votre révérence proposa cette rose, elle radota. Où le diable m'enlève, quoi? De simples paysannes à 15 ans savent déjà tromper? Sexe enchanteur, vous êtes partout le même. Et si le serpent n'eût tenté Ève, elle lui eût d'elle-même proposé la douce affaire. Quelle haine dans ces séjours champêtres, où devrait habiter la paix? Quoi, les mères instruisent leurs fillettes à la délation, à la médisance, à la calomnie? Bel apprentissage de vertu. Pour qu'une fille en accuse une autre, il faut qu'elle sache qu'il y a du mal à se laisser baiser par les garçons, et l'innocence. Croit-on qu'une femme oublie en grandissant qu'une telle lui a fait manquer la rose, peut-être injustement? Les parents n'embrasseront-ils pas la querelle de leurs enfants? Les juges? Vous avez vu comme ils sont impartiaux? Et puis qui vous dira que le lendemain de son triomphe, la rosière, pour éviter l'orgueil, ne s'humilie pas sous un robuste villageois? Nanette et moi serions-nous un phénomène? La belle institution qui contient les filles jusqu'à 16 ou 18 ans? Comme si l'on ne qu'à cet âge. Pour moi, n'en déplaise aux amateurs et aux sots imitateurs qui pullulent chaque jour, je séduirai à Salency autant de paysannes qu'ailleurs. Il fallut quitter ce joli séjour. Je revins à Villers, et bientôt après à Paris. Pardieu, l'air qu'on y respire a une salubre influence. Je repris à sa porte toute ma scélératesse. Que diable, on se rouille à la campagne. On y parle mœurs, vertu, honnêteté, honneur. On y trouve jusqu'à des femmes estimables. Ces gens-là m'auraient gâté. Ah, vive le grand théâtre! Je ne me sens pas de joie. Que de dupes je vais faire encore? Que d'or je vais amasser? Que de va couler? Mais quelles seront mes victimes? Pardieu, je veux faire un acte de justice. Il faut que je dépouille nos sœurs de l'opéra. Bien dit. J'aurai du plaisir et de l'argent, et puis ces représailles, ces bonnes guerres. Pillons qui nous volent et foutons qui nous fout. Plein de cette ardeur généreuse, je vole à l'opéra. 3 mois font bien du changement, et j'avais besoin de me remettre au fait. Je grimpe au marché aux chevaux, toutes les nymphes m'environnent, me baisent, me déchirent, m'étouffent. Je riposte à droite, à gauche, je prends des culs, des tétons. D'où diable viens-tu? De la lune? Non, c'est de Mercure. On t'a dit mort, manger des loups, châtré ou converti, ce qui revient au même. Pour converti, j'en conviens. Je me dégage un peu pour accoster une charmante danseuse. Bonjour, Mimi. Non, je suis fâché. Tiens, faisons la paix. Je veux te donner mon pucelage. Non, j'aime mon entreteneur. Et foutre. Tu te moques de moi, affaire de style, cela s'entend. Me prends-tu pour une recrue? Je suis fidèle. Qui diable te parle d'infidélité? Ah ça, nous couchons demain ensemble. Elle rit. Mais s'il le sait. Tu es donc devenu bien bête? Il est vieux et jaloux. 2 raisons pour l'attraper. C'est un grand seigneur, pardieu. Il n'en sera que plus sot. Écoute, le tour du cadran si tu veux, ou je le donne à Rosette. La raison était déterminante. Elle accepte. Moi je fus souper chez un financier qui rassemblait 20 hommes de grand nom et de mauvaise compagnie, et 15 filles qui l'augmentaient. Peste de l'animal. Quoi, te voilà encore retombé? C'est une horreur. Tu m'avais tant promis de renoncer à ces créatures. Eh bien, je te tiens parole. Je n'y vais qu'à mauvaise intention. N'est-ce pas y renoncer? Je veux gagner de l'argent et pressurer la sangsue. Mais le métier est malhonnête. Apprenez, monsieur le bougre, qu'il n'y a point de sous-métier quand il nourrit son maître, et que de grands noms dans la France ne tirent leur illustration ou leur fortune que d'une putain, et ces drôlesses-là ne nous doivent-elles pas tout? Qui les forme dans le grand art de la coquinerie, de la perfidie, des noirceurs, si ce n'est nous autres gens de cour? Nous débauchons une fille, l'attrait du plaisir, la coquetterie, la vanité, nous intéressons tout. Nous l'enlevons de chez ses parents. Le père veut le trouver mauvais? C'est un coquin qu'il faudrait enfermer à Bicêtre. Mais non, une sage institution s'est arrachée cette tendre plante à la tyrannie paternelle. On l'a fait recevoir à l'académie de musique. Alors elle veut librement lever une tête effrontée, faire remarcher le vice et la bassesse sous les couleurs du luxe et les livrées de l'opulence. Son cœur est neuf encore. Quelle jouissance il nous offre! Le corrompre est un de nos jeux les plus doux. Pourvu de tous les talents de l'homme aimable, il faut bien en faire usage. Quel diable de parti voudrais-tu tirer dans un souper d'une mijaurée qui s'abuse d'avoir de la pudeur? Que tous les raffinements de la débauche viennent investir sa jeune homme, qu'elle soit ivrognesse, crapuleuse, que les plus sales propos assaisonnent les actions les plus débordées. Voilà un sujet, cela. On applaudit l'écolière, tout le monde la court, seul l'enlève, seul l'arrache, et l'on élève le maître au nu. Mais ce n'est encore là que l'écorce, l'effervescence des sens, des liqueurs traîtresses peut en faire autant des autres, et si elle n'avait que cet avantage, elle ne serait pas distinguée. Mon éducation manquée ne mériterait pas d'éloge. Je veux donc corroder tous les germes de vertu qui pourraient s'élever encore, détruire les principes de la sensibilité, ajouter, s'il est possible, à la vileté du sang dont elle est sortie, qu'elle devienne arabe, corsaire, sans pitié, que son cœur soit plus avide encore que ses mains, qu'insensible à l'amour, mais pétrie de caprices, elle ne connaisse de la jouissance que des désirs effrénés, des plaisirs brutaux, que tous ses goûts portent l'empreinte de son caractère, que le mortel le plus indigne soit toujours le préféré. Jamais elle ne saura ce qu'est la reconnaissance. Sirène dangereuse, elle n'en chantera que pour dévorer. Mais je veux aussi que la dissimulation profonde, naturelle à son sexe, exaltée par mes soins, soit le voile de tant de perfection. Qu'au charme d'une figure décevante, elle joigne l'extérieur le plus attrayant, que ses talents agrandissent les blessures, que ses yeux auront faites. Je veux enfoncer dans son âme toute la scélératesse de la mienne. Je veux qu'elle le sache abuser jusque dans ces moments où l'on est sans défense. Je veux enfin la rendre une femme de cour pour le fond, en lui conseillant seulement plus de décence en public. Alors elle pourra voler de ses propres ailes, arracher des fils de famille à la tendresse de leur père, aux embrassements de leur mère éplorée, leur inspirer des forfaits, mais avec assez d'astuce pour n'y jamais tremper. Elle sera en état de réduire à l'indigence ce négociant que son commerce, sa probité, ses richesses avaient rendu recommandable, cet époux qui lui sacrifie la substance la plus pure de sa femme, de ses enfants. Elle causera des ruines, des deuils, des supplices peut-être, et nous en rirons ensemble. Nous partagerons les dépouilles en insultant aux dupes prises dans nos filets. Mais voilà trop de comptes que j'ai la bonté de te rendre. Je croyais coucher avec Mimi. Une partie a dérangé la nôtre. Elle était de femme, car la bougresse est à deux mains. Pour me dédommager un peu, elle me rendit témoin de la célébration des mystères de la grande déesse. Imaginez-vous un salon décoré, bien éclairé, les portes fermées. 30 femmes, parmi lesquelles je pourrais vous en citer du plus grand monde, jeunes ou vieilles, se mettent nues comme à la main. Le premier coup d'œil fut charmant. Que de trésors se développèrent à mes yeux. L'une, grasse, potelée, offre à mes regards avides une gorge éblouissante. L'autre, dans une attitude molle, couverte de ses blonds cheveux, ressemble à la Vénus du Titien. Une troisième, svelte et légère, paraît une nymphe dans son gentil corsage. Mais que devins-je au signal donné? Chacun empoigne sa chacune. Le premier temps de l'exercice est un général. Foutre. Je me aussi. Et ce ne devait, sacre Dieu, pas être la dernière fois. Tout à coup, la scène s'échauffe, la volupté se reproduit sous mille formes différentes. Le bruit des baisers, le murmure des soupirs, les sons entrecoupés se font entendre. Déjà l'œsophage émisse. De tendres pleurs coulent, le tremblement les saisit. Elles s'évanouissent, elles nagent dans des torrents de sensations. Quel tableau! Comment te peindre 30 femmes qui... Je manquais enfoncer la fenêtre qui me couvrait et sauter dans la salle. Tout à coup, elles renaissent. Que vois-je? Sont-ce des satyres? Non, non, j'y suis. Je reconnais ma chère Vito Conas à son braquemar. Trois autres montées comme elles se précipitent sur nos jeunes tendrons. Elles passent tout le sérail à la ronde. Viande creuse, foutre. Mais dames, viande creuse, leur criai-je, ces engins-là sont mous, ou le diable m'emporte. Personne ne m'entendit que cette pauvre veuve poignet qui vint à mon secours. La ronde achevée, l'orgie commence. Des flots de vin de champagne coulent bientôt. L'ivresse s'en mêle. Mes tribades deviennent de vraies bacchantes. Voilà ces deux couchées l'une sur l'autre en sens inverse, et se gamahuchant toutes deux. Vois ce groupe plié en mille postures différentes. Plus loin, Vito Conas occupe seule 6 de ses compagnes. Elle est étendue sur un sofa à jour. Elle tient la langue dans le de la première, qui, suspendue au-dessus de sa tête, inonde son visage de se baisse pour lui la gorge. Ses mains, à droite et à gauche, une quatrième à cheval sur elle, est enfilée par son braquemar. Une cinquième, à genoux, la tête entre les jambes, la gamahuche de toute sa force. La sixième, enfin, lui enfonce dans le un petit coup de michet qu'un ressort fait décharger. Tout à coup, les cris, les imprécations, la fureur s'élèvent du sein de leur plaisir. Leurs traits s'altèrent. Elles ne se connaissent plus. Elles se frappent l'une l'autre. Leurs seins sont meurtris, livides, pantelants. leur chevelure jonche la terre. Eh bien, leurs forces ne répondent pas à leur rage. Elles tombent épuisées sur le tapis, qu'elles souillent de sang, de vin et d'aliments. Éperdues, remplies d'horreur, je me sauve de ce bordel infernal, en jurant bien de n'y remettre les pieds de ma vie. Obligé de me coucher seul sur cette dégoûtante scène, les songes me la retracèrent, ma foi. Ce n'était qu'une horreur de plus au bout du compte. Les actrices étaient femmes de cour. De quoi, diable, pouvais-je m'étonner? Je pris donc le parti d'en rire, en me réveillant et d'en faire quelques gorges chaudes par charité chrétienne. Je fus le soir chez Mimi. J'arrive à 11 heures, comme un homme qui devait être attendu. Je la trouve couchée, je me déshabille, je lui vois un peu d'embarras. Mes caresses le dissipent, et cette Laïs, franche du moins et faisant son métier de bonne grâce, me procure une jouissance très vive, très agréable et très variée. Sais-tu bien que c'est du fruit nouveau? Comment, diable? Il y a 1 an que je suis au régime. Je n'eus guère que le temps de courir mes 12 postes, et foi de footeur, elle n'eut pas même besoin d'employer main forte. Le couvent m'avait remonté. De temps en temps, j'étais interrompu par des frémissements contre les parois de l'alcôve. Mais foutre, ton chat est enfermé. Eh non, pardieu, je te dis que si, je l'entends qui gratte. Eh bien, qu'il y reste. Soit, nous n'eûmes en vérité pas le temps de nous ennuyer. Sur les 8 heures, je me levai pour laisser dormir mon adorable. J'étais dans son cabinet de toilette. Bientôt, j'entends rire à gorge déployée. J'y cours et je trouve le chevalier de le beau de la cour, comme Saint-Roch, en simple chemise, l'air piteux. Je l'ai émorfondu. « Ah !» me dit-il en m'embrassant. « Mon ami, je suis mort. »« Quoi donc ? J'ai eu diablement froid. »« Mais tiens, j'en tremble encore. » J'ai mesuré 100 fois cette infernale nuit, la hauteur des fenêtres. Mimi me donne rendez-vous hier. J'étais couché avec elle depuis une demi-heure. Nous entendons du bruit. « Ah !» dit-elle, « c'est mon entreteneur. Je suis perdu. Au nom de Dieu, chevalier, sauve-toi !» Je me jette à bas du lit. Je ramasse mes habits et je me fourre dans une petite armoire au bas de l'alcôve. Foutre, voilà mon chat. Écoutons. Les compliments commençaient à devenir longs. Comment sortir? J'étais nu, sans armes. Elle me l'avait dit vieux. Mais ses valets, miséricorde, je l'entends qui se couche. Au moins pendant qu'il dormira, point. Le sapajou avait, je crois, mangé 10 livres de diabolino. Il l'a foutu 12 fois. Allons donc, cela n'est pas possible. Eh, mordieu! C'est tout ce que je pourrais faire, 12 fois, te dis-je. Foutre, je les ai bien comptés, peut-être. Encore le vieux coquin criait-il au chat, et voulait-il venir me visiter? Juge de ma situation. Tantôt sur un pied, tantôt sur un autre, grelottant, une maudite cloison qui rendait tous mes mouvements. Enfin, il part. Je sors, et ma demoiselle se fout de moi, rit aux éclats. Ma foi, lui dis-je, en éclatant de rire, elle n'a pas tort. Mais tiens, chevalier, quand on a peur, on n'y voit pas bien. Tu nous fais là des contes, et je parie que tu as rêvé tout ce fracas. Il se dépite, il jure, il écume, me fait 1000 détails. Je crois même, ajoute-t-il, qu'il l'a en cul. Oh, pour le coup, halte là, chevalier, je ne suis pas bougre. Et qui parle de toi? Toi? Moi? Sans doute. Et tu racontes mon histoire, par le sang, par la mort, par... Mais il n'acheva pas, car il avait l'âme trop bonne. Mimi avait oublié mon rendez-vous, et la peur ou le diable de la malice lui avait fait pousser jusqu'au bout l'aventure. Notre liaison allait son train, mais il me fallait autre chose que des coups de... La petite était fort bien en diamants, en équipage, en argenterie, 1000 écus par mois sans les cadeaux. Elle était à la grande pension, et puis le casuel et le travail des mains, car cette fille-là fuit la juiveté, de peur des tentations. Bon an, mal an, si cela dure, cela fait 50 000 francs, et moi je n'aurai rien. La société serait léonine. Primo, à quoi bon ces diamants-là? Ce n'est plus la mode. Les emprunter pour les vendre? Non, cela n'est pas neuf. Il y a un compte en l'air qui a ce vilain tour sur la conscience. Les empocher et nier la dette? Tel marquis que je nommerais bien m'accuserait de le copier. On a bougrement de peine aujourd'hui à être un coquin original. Les gens de qualité ont épuisé les modèles. Soyons donc honnêtes hommes. Faisons-lui tenir maison, qu'elle paraisse donner tous les soupers. Pendant que j'inviterai, que je ferai tous les honneurs, elle paiera les diamants, l'argenterie, tout y passera. Et quand elle n'aura plus rien, oh pardieu, je suis trop scrupuleux pour vivre sur ses crochets. Le plan pris, nous marchons. La cour et la ville abondent à la petite maison qui devient nôtre. Il n'est bruit que de nos soupers. Les plus jolies filles s'y rassemblent. Que de couples bizarrement appareillés. Là, c'est un commandeur de Malte qui n'a rapporté de ses caravanes que les vices et la mollesse de l'Asie. qui joint à la débauche outrée le scandale d'un religieux et la licence d'un militaire, au débordement de la cour. Il a 60 ans passés, il n'aime que les enfants. Le duvet même d'une meute rebondie qui commence à fleurir le choc. Que prétend-il? Forcer des obstacles imaginaires. Débile athlète, en vain les fouets travaillent ses fesses décharnées. Il n'aboutit qu'à pleurer tristement à la porte du sanctuaire, que sa main tremblante a fatigué. Près de lui, voyez cet abbé. Quoi? Vous rougissez pour lui? Il a l'intérieur d'un infâme, l'extérieur d'un sacripant. Mais il est rampant comme un valet. Il porte le d'un mulet. Il sera mitré, pourcrossé, 20 fois il le fut dans sa vie. Voyez les bubons qui couvrent son front, son nez tacheté de rubis. Fruit de la guerre, s'écrie-t-il en embrassant Martin, qui sait bien que souris qu'il a qu'un trou est bientôt prise. Eh bien, Turcaret qui devient tendre. Et foutre, un instant, attendez donc qu'on éteigne les bougies. Le Jean Foutre allait monter sur Quincy. Il vient de le lui mettre dans la main. Fille donc, que diable, tu as toujours peur, écoute. C'est tout le produit d'une confiscation de tabac d'Espagne. Je suppose, me dit Milord B, qui est à côté de moi, Madame Rosette prêtait son trip à moi pour 2 guinées. Milord, vous parlez d'or, mais sacre bleu, prenez-y garde. Je crains qu'il ne soit farci. Ah, millions de Deville. Laisse-moi donc rire. Un provincial qui assure Colombe de son très profond respect. Elle tient son sérieux à ravir. Mais la bougresse fait les yeux mourants, foutre. Je crois bien d'Orbigny là, pendant ce temps-là. « Écoute, Hortense, dit le comte, qui va à Rome, il est un peu saoul pour son voyage. Tu m'as donné la chaude pisse, c'est en règle. Non, je ne m'en plains pas, c'est le bonbon du métier. Mais foutre, tu l'as donné à mes laquais. Ces bougres-là me font des représentations et cela me ruine. Elle joue la désolée, lui donne un démenti. Il était près d'elle. Ma foi, il lui arrache un chauffoir qui portait les livrées du printemps. Pouah, nous nous sauvons, et il se raccommode. » Mimi donna des balles. On joua. Les chevaliers d'industrie abondèrent. On ruina des jeunes gens et de vieux enfants. Mimi ne fut pas heureuse. Enfin, en 2 mois, nous mangeâmes bijoux, vaisselle, diamants, argent, meubles, jusqu'aux chevaux, quoiqu'ils fussent bien maigres. Sur ces entrefaites, un maître boucher demanda à l'entretenir. Ce gaillard-là était fait aux bêtes à cornes. Je ne voulus pas nuire à ma charmante. Je me retirai pour m'attacher à la Violette. Tu connais cette jolie petite. Elle est faite comme un ange. Pétri de la main des grâces, le plus beau teint, la peau la plus fine, la gorge ravissante, à toutes ses perfections, elle joint le talent de tromper un entreteneur mieux que personne qui vive, un gentil garçon, un air enfantin. Fiez-vous-y. Cette bougresse-là s'était laissée encaser l'été dernier. Je lui fis comprendre que son Léandre, n'ayant pour toute fortune que du gazon, encore était-il monté en herbe, le produit ne valait pas le diable. Ils se quittèrent mal, comme c'est l'usage. Un financier l'a pris, la meubla. Pour le pansement, il n'y entendait rien. Que diable! Il fallait bien que quelqu'un s'en chargeât. Ce quelqu'un-là fut moi. Le monsieur était asthmatique et goutteux. Il avait les doigts anodus et crocus. C'est l'étiquette. Où reste magnifique seigneur, laid comme un diable, mais parlant d'or. Chaque visite annonçait un présent. Ma foi, dans peu nous devâmes opulents. Ma déesse voulait un carrosse. Je ne fus point de cet avis. Il aurait fallu mettre à bas le mien. Mais nous ne nous refusions aucune des petites commodités du luxe, le tout aux dépens du vilain. J'étais très féal commensal du ménage. De crainte d'accident, je convins avec Violette qu'elle me présenterait comme son frère, selon l'usage. Un jour donc, que notre Crésus avait dîné chez elle, j'entre en frac, veste et culotte blanche, bien retapée, et avec un air décontenancé, comme un laquais qui cherche condition. « Ah, bonjour, mon ami, j'ai l'honneur d'être... »« Le vôtre, que fais-tu ? » Je crus que le bougre allait me demander où j'avais porté la livrée. « Monsieur, je suis tapissier pour vous servir. Sais-tu bien lire et écrire ?»« Oh, monsieur, j'ai été 3 ans à l'école. Et sans me flatter, j'ai des bontés pour ta sœur. Sois sage, et j'en aurai pour toi. » Il me met 2 louis dans la main. « Il est réellement joli, ma reine. Il a tes yeux. Ça n'est pas dégourdi. Oh, pour cela, non, dit-elle. Il est d'un œuf à m'impatienter. As-tu une maîtresse ?» Vois comme je branle la jambe en tournant mon chapeau et rougissant. Monsieur, vous avez bien de la bonté. J'aimerais bien la fille à notre maître, mais c'est qu'il y a un vieux singe qui lui donne dans les yeux parce qu'il a des écus. Il est donc bien vieux. Ah, monsieur, presque autant que vous. Ouh, dit-il en grondant, ton frère n'est qu'un sot. C'est bon, adieu, je me retire et foutre. Au bout de 3 jours, mon nom était inscrit sur le livre des femmes. Violette se donnait cependant au diable. Son monsieur l'ennuyait horriblement. je cherchais à la dédommager les nuits, car monsieur ne découchait jamais à cause de sa chaste épouse, bonne diablesse d'ailleurs, mais qui le rossait tant soit peu. Deux manières de fouterie divertissaient surtout ma princesse, et comme j'en suis l'inventeur, je veux te les détailler. Après les deux premiers coups, car il faut que l'on soit bien en train, saisissez votre belle à travers le corps, couchez-la sur vous en diagonale très peu inclinée. Vous passerez votre bras gauche dans le vide, que sa position produira nécessairement, et la main repliée vient le téton gauche, elle sera en levrette. Cela est clair, mais sa tête penchée sur la vôtre vous donnera le moyen de lui tenir langue en bouche, et la main droite s'appuiera sur le clitoris. Imagine-toi tout cela qui part à la fois, le mouvement parallèle des deux charnières, celui des deux poignets, la langue qui trotte, les dents qui mordent, les femmes les plus froides partent, c'est un fait. Juge d'une jeune salamandre. Je puis dire sans vanité que peu de putains sont manégés comme Violette, et qu'elle a fait honneur à mon invention. Et je ne passerai pas à la postérité, ingrat mortel. Vous accordez à des bavards qui vous ennuient des prix, des lauriers immortels, et moi rien. Un plat faiseur de panégyrique, un fastidieux dissertateur, se placer dans un fauteuil. Ah, par Dieu, si ce n'est que cela, je le laisse entre ses bras pour me jeter dans ceux de Violette. Mais à la honte de la France, il n'y a point de prix pour ceux qui foutent le mieux. Partisans de la population, bande à l'aise économiste, est-ce un foutu calcul de mort et de naissance qui donnera des enfants à l'État? Tous vos abbés, ennuyeux raisonneurs, et qui manquent de couilles, ont des pensions tandis que juste mon sans fruits et sans honneur. J'ai vu la guerre au pain dans ma triste patrie. J'ai vu, chose incroyable, 6 000 soldats réduire 50 paysans armés de sacs à farine. Qui avait ameuté tous ces gens-là? Qui avait fait descendre des montagnes du Nord ces nouveaux sicambres? Vos livres, vos foutus livres, et... Mordieu, si au lieu d'un maître d'école, on eût mis dans chaque village un juré en fouterie, les paysans grimpés sur leurs bêtes n'auraient point pensé à venir manger les petits pains de la capitale. Autrefois, Apollon touchait sa lyre avec un... Et là, s'il ne plus, sa main l'a remplacé. Et que me foutent à moi 100 volumes de fadaises académiques magnifiquement reliés en veau, comme leurs auteurs enterrés dans une poussière froide et soporifique? Mon livre est un... Je le feuillette de 1000 manières, et le résultat de mes problèmes est aussi gai que glorieux. Je propose donc une académie, moi qui ne respire que la gloire de ma patrie. Chaque récipiendaire doit être inventeur d'une posture au moins. Je fonde 10 places ecclésiastiques en faveur d'un beau cardinal et des prélats amateurs. Le bas clergé et les moines seront reçus comme associés libertins. Chaque année, il y aura un prix accordé à la plus belle manière de foutre et une médaille d'or pour celui qui l'aura le mieux employé. Les juges seront une duchesse, une intendante, une fille de Péra, toutes 3 putains comme il est ordinaire et convenable. Les modèles ne manqueront pas. Alors on verra fleurir le priapisme, qui vaut bien le déisme. Le secrétaire ne s'avisera pas d'être impuissant, et l'on fera des comptes physiques au lieu de comptes moraux. Mais foutre, revenons à nos moutons. Il y a de l'analogie, c'est toujours un animal à toison.